nageurs d'une nuit embrumée, que je donne à ce corps cet esprit emprunté, acheté par des peurs qui c'est pas rien apaise, et passer du côté où les autres se taisent, où les rires se dessinent comme une fausse estampille d'un faussaire inconnu aux idées qui se vrillent. La trame peut changer le temps d'un soupir, la trame peut changer le temps d'un sourire, et l'instant d'après ne ressemble à rien d'autre, et suivant l'instant, dis-moi je suis l'autre, dis-moi je suis l'autre, dis-moi je suis l'autre. Ses bras ont lassé, comme mes rêves endormis, me reviennent enchantés, dérangés par le bruit du sursaut magnétique, revenu du voyage de ces lieux atypiques, où les astres dévoilent comme une mer déchaînée, d'un courant passager aux couleurs mordorées. La trame peut changer le temps d'un soupir, la trame peut changer le temps d'un sourire, et l'instant d'après n'ensemble à rien d'autre, et suivons l'instant, dis-moi je suis l'autre, dis-moi je suis l'autre, dis-moi je suis l'autre. D'une nuit embrumée, quand je donne à ce corps cet esprit emprunté, et acheté par des peurs qui c'est pas rien apaise, et passer du côté où les autres se taisent, où les rires se dessinent comme une fausse estampille d'un faussaire inconnu aux idées qui se vrillent. La trame peut changer le temps d'un soupir, la trame peut changer le temps d'un sourire, et l'instant d'après ressemble à rien d'autre, et suivant l'instant, dis-moi je suis l'autre, dis-moi je suis l'autre, dis-moi je suis l'autre. Je suis l'autre, dis-moi.